Ô mon amour, le jour dérive, ô mon amour, le jour dérive, comme un vaisseau d'eau lignage balance au ciel de clarté vive un cœur sans âge et plonge au sein d'un gouffre noir plein d'amertume sa belle voile en encensoir que le vent hume. Le jour dérive, ô mon amour, le jour dérive, et rien ne reste plus dans nos mains folles du clair désir de se saisir du sel léger de nos paroles comme à loisir. Pour en extraire la semence qui monte aux lèvres du plus profond de nos silences d'or de nos fièvres. Le jour dérive, ô mon amour, le jour dérive, autour de nous, en nous, si frêle et pâle encore, que va s'y perdre la nacelle de ce grand rêve d'au bord. Il n'y a de cesse qu'il n'écrive sur une mer belle comme elle, où le vent dort, l'ultime page au mâle rebelle, et solitaire comme une aile, jusqu'à la mort.